بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours numéro 128 dans l'explication du livre du Cheikh Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah Al-Furqan bayna awliya ar-Rahman wa awliya ash-Shaytan, avec les commentaires du Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Donc ici, maintenant, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il a mentionné certains exemples de certains parmi les Ikhwan al-Shayatin, parmi certains des Kuhan, hein, et al-Dajjalin, les faux prophètes, qui ont existé à son époque et après également à l'époque des Sahaba et ainsi de suite. Et donc il donne des exemples maintenant. Au dernier cours, on a parlé de celui qui s'appelait Abdullah ibn Sayyad. Donc on a parlé de lui. Et maintenant, on va parler d'un autre qui s'appelle Al-Aswad Al-Anasi et Musaylama Al-Kadhab. Donc, Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit: Wal-Aswad Al-Anasi, alladhi da'a al-Nubuwa, kana lahu min ash-shayatin man yukhbiruhu bi ba'd al-umur al-mughayyaba. Falamma qatalahu al-Muslimun, kanu yakhafuna min ash-shayatin أن يخبروه بما يقولون فيه حتى أعانتهم عليه امرأته لما تبين لها كفره فقتلوه وكذلك مسيلمة الكذاب وكان معه من الشياطين من يخبره بالمغيبات ويعينه على بعض الأمور. Donc une des choses que le Cheikh explique ici, c'est que par exemple Al-Aswad Al-Anasi, on en a déjà parlé dans les cours précédents, c'était quelqu'un parmi ceux qui avaient prétendu aussi à la prophétie. Donc c'était un faux prophète. Et il avait des diables qui travaillaient avec lui et qui l'aidaient, et qui l'informaient de certaines choses qui sont cachées, parmi les choses de l'invisible, ou des choses cachées plutôt. Hein? Parce que l'invisible, c'est quelque chose qui est relatif aussi. Il y a al-Ghayb, يعني المطلق, que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut connaître. Puis il y a un ghaib qui est nisbi, c'est-à-dire qui est relatif, dans le sens que quelque chose peut être ghaib pour quelqu'un et ne pas l'être pour un autre. Hein? Ou ghaib, quelque chose peut être ghaib à une certaine époque et ne plus l'être à un autre. Et qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que, par exemple, pour les êtres humains, il y a des choses qui font partie du ghaib qui ne sont pas nécessairement un ghaib pour les djinns, par exemple, ou bien pour les animaux. Parce qu'il y a des animaux qui voient des choses que les êtres humains ne sont pas capables de voir. Il y a des djinns aussi qui voient des choses que les êtres humains ne sont pas capables de voir. Il y a des choses qu'à certaines époques, on ne pouvait pas voir parce qu'on n'avait pas les outils pour le voir. Et aujourd'hui, on est capable de les voir parce qu'on a développé des outils plus précis ou bien plus forts, plus puissants pour être capable de voir certaines choses. Comme par exemple les microscopes, les télescopes et ainsi de suite. Donc ça, ce n'est pas du rêve en réalité. C'est juste un rêve relatif. Comme par exemple les bactéries, les microbes, c'est des choses qui existaient, mais que les êtres humains ne connaissaient pas parce qu'ils ne les avaient pas vues. Hein? Ils ne savaient pas que ça existait. Une fois qu'on a su que, hein, une fois qu'on les a vues avec des appareils, on a compris que ces choses-là existent. Alors qu'auparavant, ces choses-là faisaient partie du rêve pour nous. Et par exemple également, les djinns font partie du rêve. Les djinns font partie du rêve. Et parfois, les Kuhan, les médiums, les voyants, les faux prophètes, ils peuvent entrer en contact avec des shayatins, avec des djinns. Et ces djinns-là, eux, qui ont accès à certaines choses qui font partie du rêve pour nous, les êtres humains, eh bien, ils vont, par exemple, informer ces choses-là. Ils vont informer les Kuhan de ces choses-là. Hein? Ils vont les informer de certaines choses qui sont cachées pour nous. Comme par exemple, si quelqu'un ne sait pas où se trouve quelque chose, par exemple, qu'il a perdu quelque chose, le djinn, lui, il peut le trouver plus facilement. Hein? Et par conséquent, yani, il va arriver à le trouver. Alors que l'être humain, lui, il a de la difficulté à le trouver. Et c'est pas parce que yani, il connaît le rêve. Le djinn ne connaît pas le rêve. Mais il connaît des choses qui, pour les êtres humains, sont du rêve, alors que pour lui, non. Donc ça, c'est pour ça qu'on dit que le rêve, il est relatif. Naam. Donc, Al-Aswad al-Anasi, il avait des shayatin qui l'aidaient, hein, avec certaines informations qui font partie du rêve. Comme on a dit au dernier cours que les djinns, ils s'asseyaient, hein, ils s'asseyaient au bord des cieux pour écouter les informations transmises entre les anges. Et donc, ils prenaient une des informations qu'ils arrivaient à voler. Et puis, ils la mélangent avec une centaine de mensonges. Donc, ça, c'est un exemple des choses, des informations qu'ils peuvent obtenir, que les êtres humains, eux, ne peuvent pas obtenir. Donc, ils jouent avec ces informations-là pour, hein, tromper les gens. Et donc, il dit, le cher, que lorsque les musulmans ont combattu Al-Aswad al-Anasi, ils avaient peur que les shayatines qui travaillent avec ce kahin, hein, ce dajjal, l'informent de ce qu'il disait à son sujet. Donc les musulmans disaient, bon, lui, il est avec les shayatines, les shayatines peuvent l'informer de ce qu'on est en train de dire. Et même que c'est sa femme, la femme de Al-Aswad al-Anasi qui a aidé les musulmans. Hein, qui a aidé les musulmans lorsqu'elle a compris que cet homme-là était devenu un kafir. C'était un kafir, elle a compris sa mécréance. Alors, ils l'ont tué par la suite. C'est-à-dire, les musulmans l'ont tué par la suite. Et Cheikh Al-Fawzan, il fait un commentaire à ce sujet-là. Il dit, « Al-Aswad al-Anasi, wal-Mukhtar ibn Abi Ubaid, al-Lazani al-Da'aya, al-Nubuwa. » كان لهما عملاء من الشياطين وغروهم وخدعوهم حتى ظنوا أنهم أنبياء. Donc Al-Aswad al-Anasi ainsi qu'un autre également qui s'appelait Al-Mukhtar ibn Abi Ubaid. Donc c'était deux personnes qui avaient prétendu à la prophétie. Et ils avaient des gens, des djinns, des shayatins qui travaillaient pour eux et qui les ont trompés. Hein, qui les ont trompés et qui les ont séduits et trompés pour qu'ils s'imaginent eux-mêmes qu'ils sont des prophètes. Wa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam amara al-mu'minina alladhina fi al-Yaman wa kana fi akhir hayat ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam amara al-mu'minina alladhina fi al-Yaman an yaqtuluh fa ja'a Abdullah ibn Fayrouz رضي الله عنه ليلا وتمالأ مع امرأة الأسود العنسي وكانت مسلمة تقية فأعانت ابن فيروز على قتله فقتله شر قتله والعياذ بالله. نعم. وعن عبد الله الديلمي ابن الديلمي عن أبيه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم برأس الأسود العنسي الكذاب Akhrajahu an-Nasa'i fil-Kubra. Donc ici, le cheikh, il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné aux croyants qui étaient au Yémen, parce que Al-Aswad al-Anasi, il vivait à la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vers la fin de sa vie, il est apparu. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit aux musulmans qui étaient au Yémen de le tuer. Alors, un parmi les sahaba, qui s'appelle Abdullah ibn Fayrouz, radiyallahu anhu, Il est venu pendant la nuit et yani, avec l'aide de la femme de Allah Swadalain, qui était une croyante, qui était pieuse, elle a aidé Ibn Fayrouz à le tuer. Et donc, il l'a tué. Hein, il l'a tué. Et il dit que ça a été rapporté selon Abdullah Ad-Daylami, selon son père, que il a rapporté la tête de Al Aswad Al-Anasi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il dit donc, de même que Musaylama, le faux prophète, le menteur. Le cheikh, il dit, cheikh Ibn Taymiyyah, il dit, il avait avec lui des diables qui l'informaient des choses cachées. Et il l'aidait aussi pour faire certaines choses. Donc ça, c'est la réalité des sorciers, hein, et des médiums et des voyants qui entrent en contact avec les diables et les shayatines. Et ils arrivent parfois donc à connaître certaines choses qui sont cachées. Et ils prétendent que ça, c'est des karamates, alors qu'en réalité, c'est différentes ruses des diables et des shayatines. Non. Et ensuite, Musaylama, donc, il dit, Cheikh Al-Fawzan, wa Musaylamat al-Kazzab, wa Musaylamat al-Kazzab, غزاه الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلوه في وقعة اليمامة المشهورة وأراح الله المسلمين من هؤلاء الكذبة الدجالين وهذا من الابتلاء والامتحان أن هؤلاء معهم شياطين تساعدهم فيظن الناس أن هذه معجزات وأنهم أنبياء في حين أنها خوارق شيطانية والذين معه ليسوا ملائكة وإنما هم شياطين وهذا البحث مهم جدا لأنه في صميم العقيدة وفي دمغ هؤلاء الدجالين والكذابين الذين يظهرون بين حين وآخر فلما سهلت الاتصالات بين العالم استخدموها لإدلال الناس والعياذ بالله. Le cheikh, il explique ici, Cheikh Al-Fawzan, que Musaylama, hein, Al-Kadhab, le menteur, le faux prophète, les Sahaba l'ont combattu après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et finalement, ils l'ont tué dans la bataille de Al-Yamama. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donc donné le repos aux musulmans par rapport à cette personne, par rapport à ses faux prophètes et à ses menteurs. Et ça fait partie des épreuves que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Parce que ces sorciers, ces médiums et ces faux prophètes, ils ont parfois des aides de la part des diables et des shayatines et des djinns. Et donc les gens, quand ils voient ces gens-là dire des choses ou faire certaines choses, hein, ils s'imaginent, ah, ça c'est des miracles, ou ah, ça c'est des prodiges, des choses miraculeuses. Alors qu'en réalité, yani, c'est des choses qu'ils font avec les aides des shayatins, des diables. C'est des choses surnaturelles, mais qui sont diaboliques en réalité. Donc ils n'ont pas avec eux des anges pour les aider, contrairement aux prophètes, eux, ils utilisent les diables. Sont les alliés du shaitan. Et ça, c'est un sujet qui est extrêmement important à comprendre parce que c'est dans le cœur de qu'est-ce qui a rapport avec la aqida pour le croyant, pour le tawhid. Et c'est quelque chose qui nous aide justement à détruire hein, les fausses prétentions de ces faux prophètes et de ces menteurs qui, de temps en temps, apparaissent comme ça et propagent leur fausses croyances. Et surtout qu'à notre époque, le monde commence à yani, pouvoir se communiquer des informations très rapidement avec tous les nouveaux moyens de communication qui existent. Et ils utilisent ces nouveaux moyens pour yani, égarer les gens. Wala yadu billah. ولا شك أن أولياء الشيطان يظهر على أيديهم من الخوارق ما يغر الناس بهم حتى ظنوا أو حتى يظنوا أن هذه كرامات، وهي من وهي في الواقع خوارق شيطانية من أجل الفتنة. من ذلك مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أهل اليمامة، وتبعه قوم من أهل اليمامة، وكان يظهر على يديه خوارق شيطانية، ويأتيه الشيطان ببعض الأمور التي يظن الناس أنها معجزات وأنه نبي من أجل الفتنة، فلا يغتر بهذه الأمور، فلا يغتر بهذه الأمور. والضابط في هذا أن من ظهر على يديه خوارق من خوارق العادات ينظر في عمله، فإن كان من عباد الله المؤمنين المتقين فهي كرامة من الله سبحانه وتعالى، أما إن كان من أعداء الله من المكذبين ومن الكافرين والمنافقين فهذا خارق شيطاني مهما بلغ من الغرابة، فهو خارق شيطاني فلا يغتر بهذا. فمن أخذ هذه القاعدة وطبقها فإنه يستريح من هذه الشبهات، لأن الله عز وجل قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين، فمن ادعى النبوة بعده فهو كاذب. قال عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، فكيف يصدق مع ذلك من يدعي النبوة؟ والنبوة لا تكون بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يصدق أنه ولي من أولياء الله وهو كافر ملحد لا يصلي ولا يصوم ولا يتجنب المحرمات، ويقال إن هذا ولي من أولياء الله. يعني المسيح الدجال في آخر الزمان يأتي بخوارق عظيمة فاتنة، ومع هذا فالدجال كذاب. والمسيح الدجال في نهاية أمره أن الله يهلكه وينتهي أمره، فلا عبرة بالخوارق إذا لم تكن على يد مؤمن تقي، فلا عبرة بها فإنها شيطانية. Donc ici le cheikh il explique que il y a pas de doute que les awliya du shaytan, les alliés du shaytan, ils peuvent faire des choses surnaturelles pour tromper les gens, pour que les gens pensent parfois que ce sont des prodiges, des miracles, alors qu'en réalité ce sont des ruses diaboliques. Et yani, pour créer de la tentation et de la fitna chez les gens. Et parmi ceux-là, il y avait donc Musaylama, Al-Kadhab, le faux prophète menteur, Musaylama, qui a prétendu être prophète à la fin de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il fait partie des gens de Al-Yamama, une région en Arabie qu'on appelle Al-Yamama. Et les gens de sa région l'avaient suivi à son époque. Et on a vu apparaître par sa main des ruses diaboliques et toutes sortes de trucs comme ça qu'il faisait. Et les shayatines venaient l'aider pour faire certains de ces tours-là. Et les gens pensaient que c'était des miracles et qu'il était un prophète. Et tout ça, c'est dans le but de créer de la fitna, de la tentation et du trouble. Alors, il ne faut pas être trompé par ce genre de choses. Et la règle et le principe qu'on doit suivre par rapport à ces choses-là, c'est que toute chose surnaturelle qui peut apparaître à la main de quelqu'un ou par la main d'une personne, il faut regarder l'œuvre générale de cette personne, comment il est dans son comportement, dans ses actions, dans son adoration, dans sa religion en général. Et si on constate que cette personne fait partie des musulmans qui sont pieux, qui sont croyants, alors on dira Cette chose, c'est une karama, hein, un prodige qui vient d'Allah. Toutefois, si la personne fait partie des ennemis d'Allah, parmi les menteurs, parmi les mécréants, les mushrikines ou les hypocrites, hein, des gens qui pratiquent de la sorcellerie ou qui pratiquent des bid'a ou du shirk, alors on dira dans ce cas-là que ces prodiges-là sont pas des prodiges en réalité, mais des ruses et des tours du shaitan. Hein? Et donc, peu importe le point que ces tours-là peuvent atteindre, hein? Peu importe comme à quel point ces tours-là peuvent être étranges et surprenants, ça reste des ruses du shaitan. Et donc, il ne faut pas être trompé par ce genre de ruses et par ce genre de tours. Et donc, si on prend cette règle et qu'on l'applique, c'est-à-dire que tout ce qui est surnaturel, on observe la personne qui les fait. Hein? Comme disaient les salafs. Hein? Les salafs, ils disaient, si tu vois quelqu'un qui marche sur l'eau, qui vole dans les airs, si je vois ça, je vais rien prendre de cette personne tant que j'ai comparé ses actions au Coran et à la Sunna pour voir si ça correspond. Et si ça correspond, alhamdoulillah. Mais si ça correspond pas, alors yani, je n'ai rien à faire avec cette personne. Je ne vais rien prendre de cette personne. Et donc ça, c'est la règle qu'on doit respecter, qu'on doit prendre en considération pour être sauvé justement de tomber dans ce genre de ruse et des ambiguïtés de ce genre. Donc il faut être très vigilant. Et ici, le cheikh, il explique que parmi les versets qui clarifient ça, le verset qu'on a lu très souvent depuis le début du livre, 62 et 63 dans Sourate Yunus, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes, yani, les alliés d'Allah, hein, les rapprochés, les serviteurs rapprochés d'Allah, ils n'auront aucune crainte, ils ne seront pas attristés. Ce sont ceux qui ont cru et qui ont qui se sont préservés hein, d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont fait preuve de piété, de taqwa. Donc, ça, c'est la définition des awliya en islam. Les croyants qui ont la piété, c'est ça la définition d'un wali, un vrai wali. Et donc, ça veut dire que pour être un wali, c'est pas une condition nécessairement de faire des miracles ou des prodiges ou des choses de ce genre. Et le cheikh, il dit que en ce qui concerne les prophètes, eh bien le dernier prophète c'est Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y aura pas d'autre prophète après lui. Donc quiconque prétend être un prophète après Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire c'est un menteur. Hein? Même s'il prétend être un prophète d'une autre religion. Hein? Si, c'est pas, c'est-à-dire que c'est pas spécifique à ceux qui se disent prophètes ou qui se prétendent prophètes parmi les gens qui font partie de la Ummah de l'islam et qui se déclarent prophètes par la suite. Hein? Comme par exemple un musulman qui du jour au lendemain se déclare prophète, ça c'est clair que c'est un shaitan, un dajjal. Mais si quelqu'un par exemple il est chrétien ou juif ou yani, une autre croyance bizarre qui existe sur la terre et qu'il dit moi je suis un prophète, eh bien c'est la même chose. C'est un faux prophète quand même. Et il faut savoir ça aussi. Donc aujourd'hui, il y a quelqu'un qui me posait la question par rapport aux mormons. Hein? Mais c'est la même chose. Joseph Smith, c'est lui le fondateur de la secte des mormons. Et ils sont considérés parmi les sectes des chrétiens. Mais n'empêche que yani, c'est un faux prophète. Il dit qu'il a eu la visite d'un ange qui s'appelle Mormona. On n'a jamais entendu parler d'un ange qui s'appelle Mormona. C'est clair que cet ange-là, ce n'était pas un ange en réalité, c'était un shaitan, parmi les shayatines. Et donc, c'est ça. Hein? Et le cheikh, il explique, il dit ensuite, ensuite un autre verset qui est le verset 40 dans Sourate Al-Ahzab, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Muhammad n'est le père d'aucun d'entre vos hommes, mais plutôt c'est le messager d'Allah, mais c'est le messager d'Allah et le dernier des prophètes, c'est-à-dire le Khatam. Khatam, c'est-à-dire celui qui vient sceller, Hein? Il vient mettre le sceau sur la série des prophètes et des messagers qui ont été envoyés depuis le début des temps. Et lorsque tu termines d'écrire une lettre, hein, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu fais quand tu as terminé de l'écrire? Hein? Tu la fermes et tu la scelles. Tu mets ton sceau dessus. Et ça, c'est ce qui établit que le message est scellé et tout est fini maintenant. La lettre, elle est complète. Donc, c'est ça, en fait, quand on dit que le prophète, c'est le dernier des prophètes, il est le Khatam, ça veut dire c'est lui le sceau. Il vient sceller la prophétie. Il vient terminer la prophétie. Et ensuite, le cheikh, il a cité un autre hadith, qui est le hadith rapporté par At-Tabarani dans Al-Awsat, ainsi que At-Tirmidhi, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné qu'il est le sceau des prophètes, le dernier des prophètes, il n'y a pas de prophète après lui. Hein? Et il a comparé même, il a donné une parabole pour faire comprendre l'exemple que ça peut représenter par rapport au fait que lui c'est le dernier des prophètes. Il dit l'exemple de la religion et des prophètes, c'est comme comparable à Yanni. C'est ça. Il dit, mon exemple par rapport aux autres prophètes, c'est comme l'exemple d'un palais qui a été construit. Et yani, toutes les briques ont été placées et bien mises à sa place. Et les gens viennent voir ce palais, viennent admirer ce palais et disent, oh, comme il est beau, hein? Si seulement il y avait cette brique-là qui était manquante, si seulement cette brique manquante pouvait être ajoutée. Parce qu'il y a un espace qui manque, ou une brique qui manque dans la construction. Alors le prophète Sarsam a dit, je suis cette brique. Je suis le dernier des prophètes. Il n'y aura pas de prophète après moi. Donc ça, c'est pour confirmer donc que quiconque prétend être un prophète après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est un faux prophète, c'est un menteur. Hein? C'est un kafir et un mulhid. Et celui qui croit en celui qui se prétend prophète après Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien lui aussi, il est kafir. Hein? C'est un mécréant lui aussi. Et donc ici, le cheikh, il explique que quiconque donc prétend être un prophète, eh bien, il sera kafir. Et si quelqu'un croit qu'il est... Que cette personne-là est un prophète, alors il est kafir. Il dit le cheikh, وَالنُّبُوَّةَ لَتَكُونُ بَعْدَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ يَصْدُقُ أَنَّهُ وَلِيٌّ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ وَهُوَ كَافِرٌ مُلْحِدٌ لَا يُصَلِّي وَلَا يَصُومُ وَلَا يَتَجَنَّبَ الْمُحَرَّمَاتِ. Il dit non plus, on ne peut pas attribuer à quelqu'un le fait d'être un wali d'Allah, d'être un serviteur pieux et rapproché d'Allah, alors que cette personne-là est mécréante, ou athée. Hein, renie la foi, ou bien que cette personne ne fait pas la salat, ou ne fait pas le jeûne du Ramadan, ou bien elle ne s'écarte pas des choses haram. Et le cheikh, il dit, وَيُقَالِ إِنَّ هَذَا وَلِيٌّ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ. On ne peut pas dire d'une personne qui agit comme ça que c'est un wali parmi les awliyas d'Allah. Et le cheikh, il dit, le Messie, Ad-Dajjal, le faux prophète qui vient à la fin des temps, qu'on appelle l'Antéchrist, lorsqu'il vient à la fin des temps, il aura toutes sortes de choses qu'il va faire qui sont surnaturelles, hein, qui ne sont pas possibles de faire pour quelqu'un d'ordinaire. Et les gens, beaucoup de gens vont être trompés par ça. Hein, beaucoup de gens vont être trompés par le Dajjal parce qu'ils vont s'imaginer que parce qu'il fait des choses surnaturelles, que c'est un prophète ou bien que... Il dit la vérité ou il prêche la vérité, alors que c'est un menteur. Hein? Et donc, Dajjal, il va faire des prodiges beaucoup plus grands, ou pas des prodiges, mais il va faire des tours et des trucs beaucoup plus impressionnants et beaucoup plus dangereux que ce que les faux prophètes ou ce que les soi-disant Aulia font aujourd'hui à notre époque, parmi les soufis qui font toutes sortes de tours eux aussi, hein, avec les aides du shaitan. Donc, il ne faut pas se laisser tromper par ce genre de tour, hein. Et des fois, les gens comme ça, il y a beaucoup de gens qui se sont égarés justement à cause de ce genre de situation comme ça. Et il y a quelqu'un qui m'a raconté même une histoire une fois, qu'il y avait une femme musulmane. Mais on dit qu'elle est musulmane, mais en réalité, beaucoup de gens se disent musulmans. En réalité, leur croyance, elle n'est pas tellement claire. Hein. Ils se disent musulmans, mais ils ne connaissent pas le tawhid, ils ne connaissent pas la sunna, ils ne connaissent pas la religion. Ils n'ont pas étudié vraiment comme il faut leur religion. Et souvent, si tu regardes de façon un peu plus approfondie la réalité de ce qu'ils font, eh bien, tu vas constater que ces gens-là, souvent, ils viennent de familles qui ont des croyances d'égarement et des toutes sortes de bid'a dans leur famille, hein, des formes de pratiques de soufis, de tasawwuf et toutes sortes d'autres formes, parfois même de sorcellerie ou autre. Donc ces gens-là, ils n'ont pas connu la réalité de l'islam. Et puis par la suite, s'il leur arrive une épreuve ou un test dans leur vie, hein, eh ben, ils risquent parfois souvent de tomber dans l'égarement ou dans la mécréance. C'est arrivé justement à cette femme qui était, soi-disant, on dit qu'elle était musulmane et que son fils est tombé malade. Son fils est tombé malade alors que ils sont allés voir des médecins et il n'est pas guéri. Donc, il est allé voir des chrétiens et puis, supposément que les chrétiens ont prié, soi-disant, au nom de Jésus, puis là, après, il est guéri. Donc, la femme, elle a dit, ah bon, dans ce cas-là, je vais devenir chrétienne. Puis là, elle est devenue chrétienne à cause de ça. Donc, c'est pour dire comment quelqu'un, par exemple, peut être facilement trompé par quelque chose de ce genre. Hein? Nous, les musulmans, on sait très bien que celui qui guérit, c'est Allah. Hein? Peu importe. Et donc, c'est pas Jésus qui guérit, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guérit. Et le fait que cet enfant-là ait été guéri et que ça a coïncidé avec le moment où ils ont, eux, fait cette invocation-là pour prier à Jésus, eh bien, elle a trouvé en ça une explication pour justifier de quitter la foi et de tomber dans le shirk et dans le kufr, hein, et pour se laisser tromper, à tomber dans l'égarement. Donc ça, c'est des exemples. Il y a des gens comme ça qui sont éprouvés de cette façon-là. Et c'est pour ça que si aujourd'hui, par exemple, les êtres humains, supposons qu'ils trouveraient dans une grotte quelque part, dans un pays quelconque, une grotte dans laquelle ils retrouveraient, par exemple, un objet mystérieux, et que cet objet serait comme la forme d'une idole, hein, et que chaque personne qui viendrait, par exemple, se prosterner devant cette idole, serait guérie de n'importe quelle maladie, hein. Alors, tu verrais beaucoup de gens partir, aller se prosterner devant cette idole, hein. Même si parfois ils se disent musulmans, mais même s'ils sont musulmans, il y en a beaucoup qui se laisseraient tenter, hein, puis iraient faire le shirk. Juste parce que il pense que ça pourrait les guérir. Mais même si quelque chose aurait vraiment le pouvoir de guérir par la permission d'Allah, hein, si cette chose avait vraiment le pouvoir de guérir par la permission d'Allah, parce que nous on sait que il y a rien qui peut guérir excepté Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est lui seul qui guérit. Mais s'il aurait créé ce genre de choses qui peut guérir les hommes par sa permission et qu'il nous aurait interdit, hein, de l'utiliser, hein, et qu'on l'utiliserait malgré tout, eh bien, ce serait un acte de kufr, hein, ce serait un acte de shirk, mais ce serait une épreuve. C'est comme Harout et Marout, les deux anges qui sont venus pour tester les hommes. Et pour leur dire, n'apprenez pas la sorcellerie, parce que c'est un test. Et avant de leur enseigner, il leur disait, on est une épreuve, nous sommes une épreuve, alors ne tombez pas dans la mécréance, ne soyez pas mécréants. Donc, c'est pour dire qu'à l'avance même, avant même de l'apprendre ou de l'étudier, ils savaient que si ils acceptaient de l'apprendre, ils n'auraient aucune part dans l'au-delà. Ils seraient en enfer, garanti. Donc, c'est pour dire, c'est juste un exemple pour dire que, ils ont vendu leur âme au shaitan. Ils ont vendu leur âme au shaitan. Et il y a beaucoup de ces gens-là qui font ça justement. Ils savent les conséquences et ils savent qu'est-ce qui va en découler, mais ils préfèrent les plaisirs éphémères de ce bas monde à la vie éternelle. Et ils vendent leur âme au shaitan pour obtenir un plaisir dans cette vie d'ici-bas ou un bien dans cette vie d'ici-bas. Donc il y en a beaucoup comme ça, malheureusement, qu'Allah nous en préserve. Et le cheikh, il dit ensuite, donc la suite de Ibn Taymiyyah, cheikh l'islam, il dit, wa amthalu ha'ula'i kathirun, mithlu al-harith ad-dimashqi, alladhi kharaja bish-sham, zamana 'abd al-malik ibn marwan, wa adda'a an-nubuwwah, wa kanat ash-shayatin yukhrijuna rijlayhi min al-qayd, wa tamna'u as-silahu أن ينفذ فيه وتسبح الرخامة إذا مسحها بيده. Donc, un autre exemple parmi ceux dont on a déjà parlé dans les cours précédents, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il dit un parmi ceux-là également, un parmi les nombreux de ceux-là, l'exemple de Al-Harith al-Dimashqi. Et il dit, il est sorti en Syrie, dans la région de la Syrie, à Cham, à l'époque d'Abdul Malik ibn Marwan, le fils de Marwan, Abdul Malik. Et il a prétendu être un prophète. Il a prétendu être un prophète. Et les diables l'aidaient à se libérer lorsqu'il était enchaîné. On l'attachait avec des chaînes et les diables l'aidaient à se libérer. Et les shayatines empêchaient même les âmes de le tuer, C'est-à-dire que les shayatines le protégeaient contre les coups des armes. De même que le marbre, lorsqu'il touchait du marbre avec sa main, on entendait le marbre glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est des exemples de choses que cette personne-là faisait. Et le cheikh, il dit, cheikh Al-Fawzan, il explique, il dit, Al-Harith al-Dimashqi da'a an-nubuwwah aydan, wa kana ma'ahu shayatin idha quyyida bil-hadid, yukhrijuna rijlayhi min al-qayd. Fahadhihi laysat karama, wa innama hiya khariqun shaytaniyu yakhtarru biha, la yughtarru biha, wa ghayruhu wa ghayruhu. ولا يزال الدجالون حتى يكون آخرهم الدجال المسيح الدجال. Donc il dit le cheikh que Al-Harith al-Dimashqi lui aussi a prétendu être prophète et les diables libéraient des chaînes lorsqu'il était ses pieds étaient attachés par des chaînes il le libérait. Ça c'est des ruses du diable. Le shaitan il l'aidait à faire ça. Donc, il ne faut pas être trompé par ce genre de choses. Et il y en a beaucoup d'autres Dajjaloun qui vont venir jusqu'à ce que vienne le dernier, jusqu'à ce que vienne le dernier, le Masih al-Dajjal. Après, le Cheikh, il dit, le Cheikh al-Fawzan, wa shayatin aydan takunu satara lahu duna an yasila ilayhi silah. Fahada laysa dalilun ala annahu waliyun min awliya illa bal hada min amal shayatin. Donc ici, le cheikh, il explique que les diables, ils le couvraient pour le protéger des armes lorsqu'il était frappé. Donc, il dit ça, c'est pas la preuve que c'était un wali parmi les awliya d'Allah. Plutôt, c'est une des ruses parmi les ruses du shaitan. Et ils font toutes sortes de ruses comme ça et de superstition. Par exemple, Je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'avais lu un truc comme ça par rapport à certains maîtres, parmi les maîtres des arts martiaux en Asie, là. Je pense que c'était un exemple, celui qui avait fondé ou créé l'aïkido. Je lisais quelque chose à son sujet. Parmi les choses qu'on rapporte de lui, c'est que supposément il était même capable de stopper les tirs de fusil. Hein. Donc, si c'est vrai, ou si ce que c'est cette chose-là est lui attribuée réellement, il n'y a pas de doute que c'est parfois avec l'aide des chayatines, hein, avec l'aide des chayatines. Il y en a beaucoup aussi parmi les koufars, les mouchrikines, qui ont développé justement des exemples d'arts martiaux comme ça, qui faisaient affaire avec, qui travaillaient avec les chayatines aussi, qui travaillaient avec les chayatines. Donc c'est pour ça que parfois, quand vous les voyez qui parlent, ils parlent du ki ou bien du chi ou bien des choses comme ça, là, puis que ils font certains mouvements là pour soi-disant rassembler leur énergie et tout ça. Et souvent, c'est des trucs qui ont rapport avec les chayatines. Ils invoquent les diables ou ils travaillent avec les chayatines pour arriver à ça. Hein? Et c'est pour ça qu'ils font toute cette méditation, puis cette concentration-là pour essayer de justement faire ça. Naam. Donc, ensuite, le cheikh il dit, Naam, huwa shaytan, wa ruhama, ma tusabbih, li'annaha jamad, wa ruhama, ma tusabbih. ولكن هذا الشيطان يصوت بالتسبيح فيظن أنها الرخامة يعني أن الرخامة سبحت يعني il dit le cheikh que يعني c'est un شيطان qui يعني est dans le qui est sur le marbre et quand cette personne ou ce faux prophète touche le marbre, hein, eh bien les chiatines ils font le tasbih et yani, les gens pensent que c'est ça qui glorifie, alors qu'en réalité c'est les chiatines qui font ça. Il dit wa kana yara an-nas rijalan wa rukbanan ala khaylin fil hawa wa yaqulu hiya al-malaika wa innama kanu jinnan. ولما أمسكه المسلمون ليقتلوه طعنوا الطاعن بالرمح فلم ينفذ فيه فقال عبد الملك إنك لم تسم الله فسم الله فطعنه فقتله. Donc il dit il voyait des gens, hein, sur des chevaux dans les qui volaient dans les airs. Et Al-Hadith al-Dimashqi, il disait ça, c'est des anges, alors qu'en réalité, c'était des djinns. Hein? Et il dit, et lorsque les musulmans l'ont attrapé pour le tuer, hein, l'un d'entre eux a pris sa lance et l'a frappé avec pour le tuer, mais ça n'a pas eu d'effet. Alors, Abdul Malik a dit, tu n'as pas dit le nom d'Allah. Alors, il a dit le nom d'Allah, et quand il l'a frappé, il est mort. Il l'a blessé et il est mort. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il dit par rapport à ça, « وَهِيَ الشَّيَاطِينَ hein, الْخَيْلِ وَالرِّجَالِ يَمْشُونَ فِي الْهَوَى شَيَاطِينَ hein, تَخْدِمُهُ فَتُضِلُّ النَّاسِ بِهِ. » Donc, il dit, c'est des diables. Donc, il voit des chevaux et des hommes qui marchent dans les airs. Il dit, ça, c'est des diables qui les aident à faire ça. Et donc, ils égarent les hommes. Hein, en faisant ce genre de choses. Il dit وإنما كانوا من شياطين الإنس من شياطين الجن وإنما كانوا من شياطين الجن وليسوا ملائكة الملائكة ما تتنزل على الكذابين والدجالين وإنما تتنزل بأمر الله على الأنبياء والمرسلين والمؤمنين فإذا أمرها الله سبحانه وتعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم فهذا أفاك وأثيم فالذي يرى فالذي يرى معه من هذه الأمور فإنما هي شيطانية، لأن اسم الله يطرد الشيطان، يطرد الشيطان وهو طعنه، ولم يسمي. فجاء الشيطان وحال بينه وبين الصلاح، فلما سمى الله هرب الشيطان فنفذ فيه السلاح. Donc il dit le cheikh que donc c'est les diables, c'est des diables qui sont avec lui, c'est pas des anges. Et il dit les anges, ils ne descendent pas sur les menteurs et les faux prophètes. Ils descendent uniquement par l'ordre d'Allah sur les prophètes, les messagers et les croyants. Et c'est par l'ordre d'Allah, comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 221 et 222 dans sourate Ash-Shu'ara, il explique et il dit: voulez-vous qu'on vous informe sur qui les diables descendent? Ils descendent sur toute personne qui est menteur et pécheur, c'est-à-dire qui invente des mensonges et qui est pécheur. Et donc Al-Harith al-Dimashqi fait partie de ceux qui sont des menteurs et des pécheurs. Et tout ce qu'on peut voir apparaître de lui comme tour, ou magie ou sorcellerie ou ruse, tout ça, ça vient du shaitan. Et il dit, quand tu mentionnes le nom d'Allah, ça chasse les diables. Donc au moment où il a été frappé, quand on a mentionné, au début il n'avait pas mentionné le nom d'Allah, donc le shaitan il empêchait l'arme de l'atteindre. Mais une fois que on a mentionné le nom d'Allah, le shaitan s'est enfui. Et par conséquent, l'arme a pu le blesser. Naam. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. Et on continuera au prochain cours la suite. Donc on approche de la fin, alhamdulillah. On avance, inshallah. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.